Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Vous avez pu entendre Raphaël Garrigos et Alice Géraud, co-directeurs de la rédaction et co-fondateurs, et Isabelle Roberts, présidente et co-fondatrice de lesjours.fr. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.